Dans le message du président Idriss Déby Itno, il rappelle les circonstances de l'assassinat de François Tombal Baïdi. Et quand il signe pour la manne pétrolière du Tchad, il précise: je viens de signer mon arrêt de mort. Monsieur Bachir, je voudrais saluer votre génie journalistique parce que convoquer le symbole du domicile du président Garta Tombabay, père de l'indépendance du Tchad, parce que ce n'est pas seulement une affaire de faire chez lui. Tombabay n'est pas n'importe qui. Il est le père de l'indépendance du Tchad, Garta Tombabay. Et il a été assassiné dans son palais à cause justement, comme le président l'a dit, de l'enjeu pétrolier. La France n'a pas accepté, n'est-ce pas, que la manne pétrolière lui échappe au profit des Américains. Mais il y a plus que ça. Le fait de convoquer, de tenir un tel discours, un discours prophétiquement panafricaniste, et même de citer ce moment fondateur de la vie du Tchad, n'est pas un effet de campagne électorale. C'est trop profond. D'abord, ça nous ramène aux premières heures de l'histoire du Tchad. Vous savez que le Tchad, les guerres qu'il y a eu au Tchad, c'était des affrontements est-ouest, mais à travers des factions tchadiennes. Et toujours, dès l'époque, tout partait de la Libye, des bases libyennes, parce que même avant l'indépendance de la Libye, il ne faut pas oublier qu'il y avait déjà des affrontements franco-italiens sur les enjeux libyens, à travers cette confrérie de la Sénoussia, vous pouvez Oui, dire la ça, Sénoussia. la Sénoussia, cette confrérie qui était située dans la Cyrénaïque, bastion du nationalisme libyen. Faut bien comprendre ça. Déjà à l'époque, donc, et qui a débouché sur des prétentions libyennes, n'est-ce pas, sur le nord tchadien en général, mais surtout la bande d'Aouzou, que le roi Idriss, avant de tomber, bon, il n'était pas très belliqueux, mais Kadhafi, lui, quand il prend le pouvoir à l'époque, estime qu'il y a un traité, n'est-ce pas, qui fait que, n'est-ce pas, la Libye a fait que c'est un territoire libyen. Et vous savez que derrière ça, donc, il va avoir, n'est-ce pas, Kadhafi va commencer à. Il va profiter, n'est-ce pas, des querelles inter-tchadiennes entre les Toubous, entre les chrétiens, entre. Bref, les querelles inter-tchadiennes avec la naissance du Frelinga, Front de Libération Nationale et tout ce que vous imaginez, pour, n'est-ce pas, consolider ses ambitions sur le Tchad. Ça va déboucher sur la guerre. Des guerres terribles. Ces guerres ont duré 10 ans. Extrêmement violentes. 10 ans. Et c'est cette guerre-là qui a donc permis, n'est-ce pas, que la France et les Américains s'installent définitivement au Tchad, à un moment donné. Au Tchad. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc quand le président convoque ça, il sait de quoi il parle. Il sait quel est l'imaginaire qu'il est en train de vouloir mobiliser. Il demande aux Tchadiens, allez bien lire votre histoire pour comprendre quelle est la vocation de ce pays, en Afrique en général et dans la sous-région. Pas pour rien que le Tchad est le pont entre l'Afrique du Nord et toute l'Afrique subsaharienne. Ce n'est pas le fait du hasard. Et parlons donc de la vocation du Tchad sur le plan géopolitique. Quand vous regardez aujourd'hui, si on fait la géopolitique de l'Afrique centrale, même de la région de l'Afrique centrale, vous allez voir, vous allez comprendre ce qui se passe. Vous voyez d'un côté, actuellement là, vous voyez le Niger. Vous avez la Libye. Avec tout le grand Tibesti qui permet directement de descendre en N'Djamena. Je dis directement. Tibesti, porte d'entrée. Vous avez la Libye, qui aujourd'hui, on fait croire qu'il y a le Kaouan en Libye, mais je vous ai dit ici l'autre jour que chaque djihadiste libyen est contrôlé par quelqu'un. Chaque djihadiste libyen est contrôlé par quelqu'un. Et à l'heure actuelle, les différentes factions principales sont en voie de réconciliation. Haftar et le nouveau Premier ministre qui est là, vous vous souvenez, sous Haftar qui a fait un basculement en termes de partenaires, il est maintenant rangé derrière la France. Et ça ne vous dit rien. Or, les rebelles là, les gens qu'on nous présente comme des rebelles et que les Américains appellent mouvement politico-militaire. C'est-à-dire que le ministre de la Défense américaine, il y a 2 jours, a appelé ces gens-là, il a dit ce ne sont pas des terroristes, que c'est un mouvement politico-militaire. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Et que Paris, depuis que ça a commencé, les présente comme étant un mouvement politico-militaire qui veut instaurer la démocratie au Tchad. Il faut bien comprendre cette affaire. Donc vous voyez que ça part, la base libyenne est là. Comme à l'époque, au temps de Tolbabaï, Bachir. Comme à l'époque, la base libyenne est là-dedans. Il y a la profondeur libyenne qui permet à la France et aux Américains de faire toutes sortes de montages sous couverture. Sous couverture, c'est très important. Vous avez le Niger, c'est notre qui est je crois, au nord-est du Tchad. Au nord-ouest du Tchad, vous avez le Niger, nord-ouest du Tchad, je crois. Nord-ouest du Tchad. Vous avez le Niger, actuellement Paris a reçu un coup au Niger. Il y a eu une fausse alternance au Niger. On a placé qui ? Bazoum. Vous oubliez que vous avez fait un documentaire ici à Afrique Média où on a la géopolitique des rançons et des enlèvements qui est présidée par la France et où sont impliquées toutes les élites politiques de la sous-région, y compris les plus hauts officiels du Niger. Monsieur Bachir, documentaire ici, vous pouvez présenter ça si vous voulez. Afrique Média. Alors, qui on a placé là ? Monsieur Bazoum. Qui peut continuer à agiter, à manœuvrer avec les factions Touareg pour justifier une fois de plus, n'est-ce pas, pour donner une couverture aux opérations terroristes françaises ? Il y a Bazoum. Donc, vous voyez qu'au nord-est du Tchad, il y a un pro-français. Et qui dit pro-français, dit pro-américain dans les conditions actuelles. C'est-à-dire, Monsieur Bidon, Monsieur Biden, je ne sais pas comment vous l'appelez. Biden. Vous l'avez appelé qui ? Biden. OK. En tout cas, appelez-le comme vous voulez. Mm-hmm. Donc, vous avez ça. Vous avez, quand vous descendez là-bas maintenant, quand vous avez fini avec ça, vous voyez que la France, en plus d'avoir le Niger, a Barkhane. Barkhane. Au cœur. Vous avez le Mali, où le régime militaire qui est là joue au chat et à la souris. Et donne l'impression, n'est-ce pas, de se coucher, de supplier la France et de la parrainer. Alors, il ne sert à rien de faire les deuils de trois jours. Le régime malien n'est pas clair. Moi, je le dis. Il faut qu'il se prononce clairement par rapport à sa relation avec la France. Ce n'est pas clair. Et si le régime malien est léger et veut l'adoubement de Paris, vous comprenez ce que ça veut dire. Alors, quand vous remontez tout ça, vous voyez que les franco-américains, et là, je profite directement, je viens aux enjeux, ont, n'est-ce pas, créer les conditions pour que le Tchad, une fois qu'on a perdu la Centrafrique, soit désormais la base arrière de la recolonisation, de la reprise à main rapide de l'Afrique centrale. Je vous ai dit ici depuis l'autre jour qu'il y avait un... Vous avez parlé du diplomatie, que Macron a un agenda. Vous oubliez. Il dit que Macron a un agenda, c'est très urgent. Ça n'a pas traîné. Il y a eu ce qu'il y a eu au Tchad, le président est mort. Pardon, on l'a assassiné. Et moi, j'ai dit ici que c'est la France qui a assassiné géopolitiquement le président. Moi, je l'ai dit dès le départ de l'affaire. Je ne bouge pas là-dessus. On verra. Je ne bouge pas là-dessus. C'est la France qui a assassiné géopolitiquement le maréchal. Alors, quand aujourd'hui, M. Bachir, tout le monde est d'accord pour le maintien de l'intégrité territoriale du Tchad et la stabilité du pays. Même Macron, c'est ce qu'il est venu dire au deuil. Tout le monde. Mais il y a un problème. Si tout le monde est d'accord alors, mais cette stabilité profitera à qui, à la fin? Si tout le monde est d'accord que la stabilité, qu'on ne doit pas toucher à la stabilité territoriale, à l'intégrité territoriale du Tchad, à la stabilité du Tchad, vous voyez que c'est le message de la CEMAC. C'est le message de M. Macron qui est venu faire son cinéma. C'est aussi le message de l'Union africaine. De l'Union africaine, ouais, tout le monde. Ouais. Alors, il y a un problème, M. Bachir. Pourquoi? Du fait que chacun soit d'accord qu'il faille... Il n'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait consensus en ce qui concerne le Tchad. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des non-dits? Non, je suis en train de vous dire que c'est du n'importe quoi qu'on raconte. Parce qu'en même temps, il y a des enjeux. Oui. Il y a des enjeux. Oui. Quand je vous parle de l'agenda urgent de M. Macron, et quand je parle de M. Macron, je parle des financiers internationaux qui sont en guerre. Actuellement, nous parlons avec les patriotes dans le monde. Et quand je parle de patriotes, je parle de la Russie et je parle des patriotes américains dirigés par Trump. Et vous savez que la situation aux États-Unis est instable, très instable encore. C'est-à-dire vous avez un président qui ne sort pas depuis, qui fait les conférences virtuelles. Il ne sort pas. Il ne sort pas. Ce n'est pas le fait du hasard. Donc, la situation, les financiers internationaux veulent reprendre rapidement la main. Et M. Macron veut un deuxième mandat. Il a un agenda qu'il doit respecter. Or, vous avez des enjeux clairs, l'enjeu du franc CFA. Vous savez que le président Déby était un maillon important dans la bataille pour la reconquête de la souveraineté monétaire de la sous-région. Oui. C'était clair. Oui. Et la sous-région n'a pas signé les accords. N'a pas signé. Or, vous savez que l'écho est mort-né tant que le Nigeria n'a pas signé. Je laisse le gars-là. N'a pas signé, mais surtout l'Afrique centrale. Oui. Vous voyez donc que s'il n'y a pas l'Afrique centrale et le Nigeria dans le projet, n'est-ce pas, de l'écho, c'est mort-né. C'est inacceptable. C'est vital pour les financiers internationaux. Alors nous parlons. Je vous ai dit que le franc CFA appartient à Rothschild. Je dis bien appartient. Comme la Banque de France appartient à Rothschild, comme la France est une propriété de Rothschild actuellement, les Français s'en rendent compte avec le Covid. Ils le savent maintenant, les Français. C'est pour ça qu'ils sont à l'état d'exception. Macron a supprimé toutes les libertés en France. Très bien. L'autre enjeu, c'est la présence russe. Même moi, là, tout à l'heure, bien rappelé, la présence russe. Mais Bachir, mais c'est terrible. Les gens ne mesurent pas l'impact de l'événement qu'on appelle la présence russe en Afrique centrale. Les gens s'amusent. C'est un bouleversement géopolitique majeur qui est inacceptable pour les financiers internationaux, donc inacceptable pour M. Macron et la France. Je dis bien inacceptable. Il faut à défaut de chasser les Russes, rééquilibrer un rapport de force. Il faut à défaut de chasser les Russes, créer une situation où ils vont s'entendre. Écoutez-moi bien. C'est-à-dire, c'est ça, voilà l'enjeu. C'est-à-dire, et je l'avais déjà dit ici avant, que comme Macron a perdu la Centrafrique, il va tout faire pour imposer un dialogue russe. Souvenez-vous de la guerre froide. À un moment donné, vous n'avez pas entendu parler de l'entente entre les grands. L'entente, c'est quoi? C'est qu'on crée une situation où les grands sont obligés de discuter. Entre eux. Parce que dans les guerres qu'ils ont délocalisées, les rapports de force s'équilibrent. Alors on dit, venons, on discute. Ça se fait toujours au détriment des petits. Écoutez bien, la France n'est pas folle. Hein. C'est ça l'enjeu. C'est ça l'enjeu de cette affaire. C'est-à-dire que vous avez l'enjeu du franc CFA, vous avez l'enjeu de la présence russe, mais vous avez maintenant un autre enjeu qui est plus grave. Les successions qui se dessinent au Cameroun et en Guinée équatoriale. Ah, mais oui. Alors, et là, c'est les financiers internationaux ne vont pas, ils veulent pas s'amuser là. C'est-à-dire, le vieux Blescar du Cameroun, que moi j'appelle Maradona, qui les a créé tellement de problèmes avec son génie géopolitique, il faut anticiper sur son départ. Pour que, après lui, il n'y ait pas quelqu'un qui soit comme lui en Afrique centrale. Au commencement. Claire, comme lui. Écoutez bien l'enjeu. Et il faut anticiper, n'est-ce pas, en Guinée équatoriale, pour qu'il n'y ait pas quelqu'un comme le vieux, Obiang Nguema, le vieux. C'est ça, voilà, je vous donne les enjeux. Donc, quand vous avez cet enjeu-là devant vous, et que maintenant il y a un truc bizarre qui arrive là, les brigands là qu'on appelle groupe politico-militaire, nous ont dit que dès que le deuil finit, ils engagent la guerre. Mais comment bizarrement ils nous font un cessez-le-feu unilatéral, sans délai. Avec une proposition de dialogue. Bon, c'est bizarre. C'est bizarre. Nous savons que derrière eux, c'est la France. Alors, on dit on veut dialoguer, ça veut dire quoi ce dialogue? Quand en même temps, vous voyez l'opposition néocoloniale tchadienne dire que tout à l'heure, comme le président Roland tout à l'heure, elle a brillamment souligné, dit qu'il veut même dormir dans les rues. Il veut que la transition quitte et qu'il y ait élection. Monsieur Bachir, chaque fois qu'on organise des élections dans un pays, n'est-ce pas, sous occupation, ça aboutit à quoi? Soit la guerre civile. Et la guerre civile est un moyen pour mettre au pouvoir un proconsul ennemi. La Côte d'Ivoire est l'exemple parfait devant vous. La Côte d'Ivoire est l'exemple parfait devant vous. Surtout dans des pays où vous avez des présidents, n'est-ce pas, qui ont tenu le pays longtemps. Ce qu'ils appellent longévité au pouvoir. Ce que l'on appelle stabilité politique. Le Tchad a connu un régime que moi j'appelle, si vous faites l'analyse politique, militaro-constitutionnel. Tout le monde sait que le président de lui, même s'il portait plus la tenue tous les jours, c'est un militaire. On sait que c'est l'armée, la force du Tchad, là. C'est d'abord l'armée tchadienne, tout le monde le sait. C'est clair et net. C'est un régime militaro-constitutionnel, mon cher Bachir. Alors, quand on nous dit que, OK, il faut à tout prix les élections, oui, je suis en train d'expliquer quelque chose de fondamental, il faut à tout prix les élections. Les élections qu'on confond à l'électoralisme néocolonial, c'est-à-dire ou par, c'est devenu, c'est mécanique là, c'est automatique, on connaît l'automatique. Paris aussi va faire comme Bazoum là, il l'a fait au Niger. Ou bien comme il l'a fait en Côte d'Ivoire, vous voyez les dangers qui se préparent, vous voyez là où on veut nous amener là. Il y a un glissement là où on veut nous amener. C'est là où c'est on est sur un terrain glissant. C'est très très glissant ce terrain là. On est sur un terrain glissant. C'est pour ça que vous n'avez pas vu les doyens d'Afrique centrale à la Odeï. Non, il faut savoir interpréter un message. Odeï, et la plupart ont envoyé le ministre de la Défense. Le Cameroun, Défense. Même le Gabon, ministre de la Défense. Mais le Gabon, Premier ministre ou quoi? Ah, pas Premier ministre, oui. Voilà. Donc, ce n'est pas pour rien qu'ils sont absents à ce deuil. il y a un message à décoder. Ils ont bien compris que c'est une déclaration de guerre. Et pour la première fois dans le précaré, l'une des rares fois dans le précaré, peut-être la première fois, un président français se déplace, il vient d'un précaré, les sous-préfets, entre guillemets, ne bougent pas. Parce qu'avant, dans la tradition de Paris, quand le métropolitain arrive dans un pays, n'est-ce pas, dans le pays, les présidents, qui sont les chefs de paroisse, j'utilise le langage de l'Église, qui sont les chefs de paroisse, doivent bouger, c'était les usages, ils doivent courir pour venir l'accueillir. Mais là, ils ne sont pas venus, ils ont humilié Macron clairement, ils se retrouvaient là comme un égaré. C'est pour ça que pour aller faire ces fausses images de président Déby, il a pris son complice, M. Tshisekedi, qui a demandé à la France de venir reformer l'armée de son pays. C'est l'enjeu qui est aujourd'hui dans, quand on pourchasse le général Numbi, sous prétexte des droits de l'homme. Attention, oui, c'est l'enjeu. Il a pris ce qu'il devait l'accompagner, parce qu'il a bien compris, lui aussi, il a bien compris le message, mon cher Bachir. Donc, vous me demandez de tomber. Alors, à quel prix donc se fera donc le respect de l'intégrité territoriale du Tchad et sa stabilité, si à la table, il y a autant d'appétit? À quel prix? Regardez le Mali. Le prix de l'unité malienne, c'est quoi? C'est que la France fasse du Mali ce qu'elle veut. C'est que les Occidentaux fassent du Mali ce qu'ils veulent. Voilà le prix de la stabilité au Mali. Et malgré ça, il n'y a même pas de stabilité. Donc, j'interpelle, là, je prends ça sur moi maintenant, j'interpelle le jeune président, le président du comité militaire de transition, M. Mahamat. Il a marché avec son père. Il a vu les combats de son père. Il connaît ceux qui ont tué son père. Il connaît, lui, ceux qui ont tué son père. Son père avait les contraintes que lui n'a pas. C'est-à-dire que son père est venu au pouvoir dans le piège français. Et il s'est battu toute sa vie pour en sortir au prix de sa vie. Toute sa vie s'est battu pour en sortir. Mais lui, il n'a pas ses contraintes. Il est arrivé au pouvoir là par un boulevard. Il a les mains libres. Et l'Afrique centrale le regarde. L'Afrique le regarde. J'ai dit que je prends ça sur moi. L'Afrique le regarde. L'Afrique centrale ne va pas accepter. Et ça, je le dis, nous n'allons pas accepter, n'est-ce pas, que la France et les Occidentaux se servent, n'est-ce pas, du Tchad pour ramener 2000 ans en arrière, n'est-ce pas, l'Afrique centrale. Les conquêtes par l'africanisme que nous avons obtenues à l'Afrique centrale, Bachir, nous allons défendre ça, c'est-à-dire avec rage. Et il faut que le jeune président du comité, c'est pas une menace, c'est une interpellation, Bachir, il faut que le jeune président, le président du comité militaire, n'est-ce pas, de transition, mon cher Bachi, comprennent ces enjeux. Ils comprennent ces enjeux. C'est pour ça qu'il est jeune. Il est jeune parce qu'il peut accomplir. Il peut terminer l'œuvre que le père n'a pas achevée, mon cher Bachi. Il peut terminer cette œuvre-là. Et l'Afrique centrale est prête, disposée pour l'accompagner. Donc, je vais vous rassurer que cette question m'est revenue directement vendredi, juste après la cérémonie des obsèques du maréchal. Nous également, à la sortie de la mosquée, quelqu'un m'a interpellé. Il m'a dit: Monsieur Bachir, je ne comprends pas ce panafricanisme du maréchal Idriss Déby Itno, qui est en même temps allié de la France dans la lutte contre le terrorisme, mais qui, dans toutes ses sorties, critique cette même France. Alors, j'admets que ce type de critique relève de la non-maîtrise de certains niveaux d'analyse politique. D'accord. Vous savez que la politique, ce n'est pas ce qu'on nous on s'assoit ici, on parle. La politique, c'est la gestion des contraintes. La politique, c'est aussi la gestion des contradictions. Attention, les contradictions. La politique, c'est aussi l'art d'assumer des héritages qui ne nous plaisent pas. Et dont on ne peut pas s'en débarrasser n'importe comment. Alors, d'abord, les accords militaires Tchad-France, ça ne dépend pas du président Déby. Ça remonte de très loin. C'est l'héritage de près de 50 ans de guerre civile, maître. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que c'est l'héritage de près. Vous ne pouvez pas. Quand vous arrivez au pouvoir et que vous êtes l'héritier de près de 40 ans de guerre civile, vous ne liquidez pas, ce n'est pas possible, c'est impossible. Et quand je dis le contraire, il manque, quel que soit votre progressisme. Vous ne pouvez pas. Il faut du temps pour liquider cet héritage, pour dénouer les écheveaux complexes de cet héritage. Il faut du temps. Il faut que les Africains, ceux qui sont impatients parce qu'ils sont assis dans un salon et qui ne gèrent pas les contraintes de l'État, qu'ils apprennent à concilier leurs analyses et les contraintes de l'État. Vous comprenez ça? Ça dit que quand vous avez... Mais les gens savent de quoi ils parlent. Vous connaissez les factions militaires qui sont fait la guerre au Tchad? Vous imaginez? Depuis Issel Abré, en passant par Gokoudou Wédé, en passant par le Tol Mabaye, le général Maloum, tous ces clans-là avaient derrière les services secrets français, les services secrets américains, l'héritage de ce que j'appelle la profondeur libyenne, tous ces consorts. Mais c'est un pays, le colonel Kamougué, tout ça. Mais c'était très compliqué. Vous ne venez pas quand vous venez de prendre le pouvoir, vous dites que non, vraiment. Je vais liquider les accords là. Vous ne pouvez pas faire ça. Dans le contexte du Tchad, c'était très difficile. Oui. Cet héritage était encore très lourd. Il fallait du temps. Mon ami Youssouf, il fallait du temps. Il fallait donc gérer d'abord les contradictions. On appelle ça une contradiction. C'est-à-dire qu'une chose et son contraire tombent sur votre main. Vous êtes obligé de gérer. C'est ça la politique à un moment donné. C'est même, c'est-à-dire que ça occupe une grande place dans la politique, la gestion des contradictions. C'est ce qui manque aux analyses, là, à ceux qui appellent, qui insultent les présidents facilement. Moi, je n'aime pas le faire parce que je me mets à la place des présidents. Et quand vous me mettez à leur place, vous comprenez que Babadé, c'est facile, mais gérer, c'est difficile. La preuve. Voyez tous les présidents qui ont promis mon émerveil à leur peuple en Afrique. Une fois au pouvoir, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne bougent même pas un pied. Ils ne bougent même pas un pied, ma chérie. Parce que c'est pas ça. Alors, je reprends, prenez l'exemple de la lutte contre le terrorisme. Pour que Youssouf et mon ami Lamine, pour qui j'ai un profond respect en passant, comprennent la complexité de la situation. Vous voyez que lorsque le président Déby dit qu'il lutte contre le terrorisme, et que la France dit qu'il lutte contre le terrorisme, et qu'il se retrouve par exemple sur un champ comme les Adas des Ifogas, vous croyez que le président Déby et la France regardent la même direction? Je pose la question aux Africains. Ah, ça veut dire qu'ils n'ont pas la même notion. Ne vous trompez pas. Oui, je vous demande. Ne vous trompez pas. Mm-hmm. Vous allez voir que tous les pays africains confrontés au terrorisme, en particulier les pays de ce qu'on appelle le précaré français. Écoutez, vous avez vu au Cameroun. Prenez le Cameroun. Les autorités camerounaises n'ont jamais ouvertement accusé la France. Monsieur Bachir. Écoutez-moi bien. Oui. Mais, lors d'un meeting à Yaoundé, en présence des ministres, on a hué l'ambassadrice de France à l'époque, Madame Robichon. Je répète ce que je suis en train de dire. Parce qu'on est obligé de faire de la pédagogie. C'est-à-dire que les autorités camerounaises n'ont jamais accusé la France publiquement. Mais je dis que dans un meeting à Yaoundé, à la capitale, les essentiels ministres qui étaient là ont hué l'ambassadrice de France, Madame Robichon, quand elle est montée. Vous croyez que c'est le hasard? Ça s'appelle la politique. Ça s'appelle la gestion des contradictions. Ça, parce que le président Déby était sur un même front avec eux, contre le terrorisme, qu'il a les mêmes projets que la France. Le président Déby sait, et il a dit, dans plusieurs interviews, il sait que le plus grand terroriste, c'est la France. Bras séculier des financiers. Il le sait très bien, que c'est elle qui réalise tout ça. Mais comme on est dans le jeu de, parlons comme ça, on est le jeu des non-dits. On avance masqué, mais lui aussi il avance masqué en attendant quand la situation sera mûre pour frapper. Oui, mon cher Bachir, je réponds à Youssouf et à Lamine qui comprennent la complexité de l'affaire. De même, pour l'affaire des renseignements, on dit qu'il a demandé l'aide de la France. Moi, ça me fait rire. La France, je lui ai dit que même s'il a demandé l'aide, ce n'est pas une erreur. Je vais démontrer pourquoi. Une chose, elle a demandé l'aide. Une chose est de savoir ce qu'on fait avec l'aide qu'on demande. Et pourquoi on demande de l'aide. La politique, la géopolitique et la géostratégie militaire, c'est pas ce que les gens croient. Je peux te demander l'aide en réalité pour te distraire, pour te faire croire que je suis faible, mon cher Bachir, alors que je suis fort, j'ai d'autres plans. Parce qu'on est sur un terrain où tout est vrai et tout est faux en même temps. On est sur un terrain où derrière veut dire devant, et devant veut dire derrière, Bachir. Quand vous êtes sur un tel terrain, non, chacun lance des faux clignotants pour cacher son jeu. Vous comprenez? La France a l'obligation d'aider le Tchad. Ce n'est pas une faveur, je l'ai dit, parce que l'armée du Tchad s'est mise au service, n'est-ce pas, de la France pour lutter contre le terrorisme, là où l'armée française était incapable. Et d'ailleurs, la première dame du Tchad, dans un de ses discours, l'a dit. Voilà une voix officielle qui l'a dit, que là où l'armée française hésitait, le maréchal s'est engagé. Vous comprenez, Bachir? Elle a dit un de ses discours. Oui, je prends comme ça pour le dire. Le Cameroun a vécu ça. Les Français donnent des faux renseignements quand vous le demandez. Quand ils vous disent que non, on renseigne là, ils mentent. C'est des faux renseignements. On se rappelle, lors de Boko Haram, moi j'ai des informations qui indiquent que les Français donnaient des faux renseignements à l'armée camerounaise et donnaient des vrais renseignements à Boko Haram. Et ça crée des dégâts au front. C'est ce que les Camerounais se rendent compte et changent la situation. Vous comprenez? Donc le président Déby savait très bien que les renseignements étaient faux. C'est d'ailleurs pour cette raison que quand il arrive au front, il va au-delà de la ligne de sécurité. C'est pour ça. Parce qu'il ne fait pas confiance aux renseignements. Je dis ça. Il a dit, c'est clair. C'est pour ça qu'il va devant. Et il va donc avoir ce piège-là avec la colonne qui venait du Niger. Vous comprenez ce que je vous dis? Donc, il faut que les gens arrêtent les enfantillages. Je peux faire semblant de te demander des lettres alors que on est dans le jeu des faux fuyants, mon cher Bachir. Donc, alors, c'est clair et net. Donc, les arguments qu'on demandait l'aide n'ont rien à voir. Ce n'est pas des erreurs stratégiques. Le problème, c'est qu'il y a des pièges compliqués à démêler. Il faut du temps. Et souvent, on lui dit ce que ça vit, comme il vient de le faire. Regardez, par exemple, lorsque Macron vient dire un discours que la France, le président Déby, était un allié dans la lutte contre l'obscurantisme, dans la lutte contre le terrorisme, M. Macron sait qu'il a dit que Déby était allié pour lutter contre Macron. Mais ça, ça veut dire. Parce que quand vous luttez contre le terrorisme, vous luttez contre la France, qui est le premier État terroriste en Afrique. Quand vous luttez contre l'obscurantisme, vous luttez contre la France, premier État obscurantiste en Afrique. Ils le savent entre eux, les présidents, mais on fait la diplomatie. On dit pourquoi le Tchad n'a pas fait comme la RCA. Pourquoi Déby n'a pas demandé l'aide militaire. Pourquoi il n'a pas fait comme la RCA. Ben, écoutez, pour que la RCA arrive là où elle est aujourd'hui, il a fallu combien de temps? Il a fallu combien d'années de guerre civile, mes chers amis? Pour que la situation mûrisse et crée les conditions qui ont permis à M. Touadéra de faire ce qu'il a fait. Il a fallu combien de temps, mon cher Bachir? Eh bien, moi, je vais le dire, maintenant, je vous le dis, je ne suis même pas là. C'est ce que le maréchal s'apprêtait à faire. Beaucoup de gens ne savent pas que le maréchal était très avancé dans les négociations avec les Russes. Très avancé. Des accords étaient conclus. 7,5 milliards d'euros pour construire 100 ans électriques, un aéroport et une raffinerie de pétrole, mais surtout signer des accords pour la formation des instructeurs au Tchad militaire. C'était très avancé. Bon, je ne vais pas dire certaines choses maintenant, parce qu'il faut gérer la situation qui est au Tchad. Ouais. Je ne vais pas dire certaines choses. Mais je vais dire que derrière le projet-là, derrière la coopération tchadio-russe qui s'amenait, c'était plus que le Tchad. Ça allait très loin en matière de géopolitique. Ça avait une envergure mondiale. C'est l'une des raisons, entre autres, les plus importantes, qui ont précipité la mort du maréchal. Son assassinat par Paris. C'est ça, une des raisons. Mais maintenant, il faut le dire. Comme c'était un terrain, d'ailleurs, qu'elle a sorti, qu'est-ce qu'il a dit au sommet? Les gens n'ont pas ce qu'il a dit à sortir au sommet. Il a dit que la coopération avec la Russie est vitale pour le continent africain. Voilà les mots qu'il a employés, Bachir. Retrouvez les mots là. Alors, il a dit le soutien de la Fédération de Russie est vital pour renforcer la stabilité régionale. L'appui en formation et en équipement militaire, le partage de renseignements et d'expériences avec les forces africaines engagées sur ce front seront d'une grande utilité. Maître, fin de citation. Que veut dire vital en français? Quand un chef d'État dit que ça c'est vital, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que c'est comparable à la vie elle-même. Mais alors, si vous ne le faites pas, vous mourrez. Vous mourrez. Le président était conscient de ça. Les négociations avec la Russie, le réchauffement de cette relation avait pour déboucher, Bachir, une véritable diversification géomilitaire et géopolitique des rapports de force interne au Tchad. C'était ça. Suivez mon regard. Ça a abouti à la neutralisation de Barkhane, à défaut de chasser Barkhane. C'est l'une des raisons pour laquelle Paris a accéléré l'agenda. Parce que, justement, à défaut de le faire, le président Déby l'aurait fait, mon cher Bachir. Mais alors, tout à l'heure, je vais dire ce qu'il y a. Je l'ai encore le temps. Vous aurez un tour de parole, rassurez-vous. Oui, pour on dire, a une quarantaine de voilà, minutes, ça nous permettra dire, de donner d'abord pour la parole dire ce à que la France prépare. Très bien. En coulisses, ce qu'elle prépare. On y revient. Afrique Média, le monde, c'est nous.